chercheuse, enseignant-chercheur, enseignant-chercheuse, un des seuls livres, me semble-t-il, qui depuis des années permet à ceux qui le pratiquent activement de réfléchir à notre métier, de réfléchir à ce qu'il devient. Ce qui devient aussi du fait de certaines transformations du gouvernement de la recherche. Il faut rappeler que ce séminaire il est né en 2008 dans le sillage des mouvements contre les réformes liées à la loi LRU. Et il entend bien porter un regard précis et informé sur les réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dans ce cadre que nous faisons systématiquement intervenir des orateurs qui s'expriment parfois en tant qu'intellectuels spécifiques, parfois en tant que savants, plus souvent comme praticiens, c'est le cas des trois collègues biologistes qui vont parler cet après-midi. Et c'est dans ce cadre aussi qu'on invite des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, qui nous accompagnent ou organisent des transformations de la recherche qui ne nous semble pas souhaitable, parce qu'il nous paraît important de les entendre, de comprendre de quelle vision du monde ils sont porteurs et comment ils font passer ces visions du monde dans des politiques publiques. Nous accueillerons par exemple, dans la séance du 14 février, parmi nos invités, Thierry Coulon, conseiller de recherche du président de la République, sur sa vision de ce qu'est une université de rang mondial. Ce séminaire est hébergé par l'École des hautes études en sciences sociales, mais nous nous efforçons de couvrir des thématiques qui concernent l'ensemble des sciences. Lors de la préparation du cycle de séances de cette année, une thématique en particulier nous est apparue avoir pris une importance particulière ces dernières années. C'était celle de l'intégrité, du fait des mises en cause de l'intégrité de certaines et certains chercheurs, chercheuses, dans des scandales, des affaires, comme par exemple, mais pas seulement, l'affaire Rouanet, du rôle accru de sites et de lanceurs d'alerte anonymes comme PubPeer, et aussi de l'intervention accrue dans l'établissement de la vérité scientifique de toutes sortes de gens, journalistes, blogueurs, bureaucrates, que l'on n'y rencontrait pas il y a 20 ans, quand la norme de la discussion et de la controverse scientifique était pensée avec évidence comme voilà, ce modèle de discussion par les pairs. Le tout dans un contexte qui est aussi celui de la post-vérité, de la défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, de la mise en concurrence accélérée des énoncés, et des énoncés portant sur ce qui est vrai. Le tout aussi dans un contexte qui est celui d'une concurrence accrue pour publier plus vite, parfois trop vite. Et le problème ne se limite pas au publish or perish. Un contexte qui est aussi celui de la valorisation des stars de la recherche. Rappelons, pour prendre là aussi un exemple d'actualité récente, que l'argument de faire payer davantage les étudiants étrangers se fait au nom de la possibilité de donner davantage de financement aux universités en même temps pour les emprises, ce qui leur permettrait, entre autres, de financer des postes d'enseignants-chercheurs ne relevant pas du régime classique de la fonction publique et permettant donc ainsi de faire venir des stars que vous ne pourrez pas avoir sinon dans notre système si bureaucratique, paraît-il. Simplement, les stars, ça correspond aussi à un monde de division accrue du travail scientifique, de parcellisation des tâches, où l'on contrôle peut-être de moins en moins dans le détail ce que font les petites mains de son équipe. Un monde de stars de la recherche, c'est aussi un monde de concurrence, parfois de jalousie, et un monde où les chutes peuvent être d'autant plus violentes que les ascensions ont été rapides, et il y aurait aussi une sociologie de la malscience à faire, et de ce qui structurellement pousse à la malscience. On est beaucoup de sociologues des sciences, et je rappelle que excuser et comprendre, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, à titre personnel, il se trouve que comment moi je suis arrivé à m'intéresser à ces questions d'intégrité, il se trouve qu'on m'a proposé de siéger à un comité d'intégrité, à l'ENS, et j'ai accepté à partir de ce que je vis en sciences sociales, qui est alors quelque chose d'un peu particulier, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui m'intéresserait et m'inquiétait du point de vue de l'éthique de la recherche, qui est la façon dont on voit monter tout un ensemble de formes d'encadrement, Institutional Review Boards, par exemple, dans un certain nombre d'universités américaines, qui, au nom de la protection des enquêtés, et en faisant référence à des grands scandales du point de vue, par exemple, de l'expérimentation médicale qui sont passés aux États-Unis dans les années 40, 50, 60, on considère qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait avec les enquêtés, qu'il faut demander des formulaires de consentement. Je peux vous garantir que quand vous êtes un anthropologue, par exemple, qui essaie de réfléchir à ce qui se passe dans tel pays dans lequel il y a une intervention armée, les formulaires de consentement, c'est très compliqué. Les formulaires de consentement, quand vous travaillez sur, par exemple, des employés associatifs et qu'on vous demande de demander des formulaires de consentement à la hiérarchie, c'est très compliqué aussi et ça pose tout un ensemble de problèmes. Et donc j'avais accepté aussi en fonction de ce que je voyais moi dans mon propre domaine de science. Et je me suis aperçue que ça, c'était plutôt renvoyé à la question de l'éthique en matière de recherche par rapport à ce qui était la question de l'intégrité telle qu'elle était de plus en plus, disons, travaillée par des dispositifs de politique publique. Bref, ce que je voyais monter de plus en plus, c'est l'intégrité comme politique publique. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a rien à voir avec l'intégrité comme principe, mais les deux ne se superposent pas totalement, ça serait bien qu'elles se superposent, mais ça ne se superpose pas forcément exactement. Ce que je découvre, c'est l'intégrité comme politique publique, et une politique publique, ce n'est pas seulement des décisions d'État, hein, comme la mise en place de l'Office français de l'intégrité scientifique, à la tête duquel Olivier Le Gall se trouve, de divers comités d'intégrité dans les établissements de l'enseignement supérieur, de réseaux de référents à l'intégrité scientifique. L'intégrité, c'est aussi la rédaction de rapports destinés à informer, orienter l'action publique, comme le très riche rapport rédigé par Pierre Corvol, qu'on accueillera le 21 mars. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais on l'aura le 21 mars. C'est aussi la prolifération de tout un ensemble de textes de soft law, c'est-à-dire qui n'ont pas toujours une portée juridique, mais qui ont en tout cas une dimension d'orientation normative et qui orientent, hein, de ce point de vue, l'action publique. Charte européenne du chercheur 2005, Singapore Statement in Research Integrity 2010, European Code of Conduct of Research Integrity 2011, Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche 2015, et j'en passe. Une politique publique, c'est aussi le développement de formes de contrôle normatif, et c'est à ces formes de contrôle aussi qu'on voudrait réfléchir aujourd'hui, en nous demandant si l'encouragement aux bonnes pratiques, bien sûr, dans l'absolu, personne peut être contrôlé bonne pratique, c'est juste de savoir de quelles bonnes pratiques on parle et de les définir, et dans quelle mesure ça ne risquerait pas, et je laisse vraiment la question ouverte, hein, dans quelle mesure ça ne risquerait pas aussi de recouvrir des volontés de contrôle du politique, de l'administratif sur les chercheurs. Un petit exemple, hein, par exemple, qu'on peut lire aussi bien de façon positive qu'inquiétante selon le paragraphe, le texte co-signé par des personnalités dirigeantes des EPST, qui est sorti vers septembre-octobre dans The Conversation, intitulé de l'intégrité scientifique et du respect des droits des personnes mises en cause, qui souligne, hein, effectivement toutes les questions compliquées sur ce que font ou doivent faire les institutions pour protéger, mais en même temps pour protéger leurs membres quand ils sont mis en cause, mais en même temps pour pas non plus les surprotéger si justement il s'avère qu'ils ont commis des choses problématiques, commence par ce paragraphe que je vous lis, 4 lignes. L'idéal d'intégrité qui s'impose avec force aux scientifiques et aux institutions qui les emploient ne peut se fonder, sans risque pour les droits fondamentaux des personnes, sur une conception naïve d'une autorégulation par les chercheurs eux-mêmes, comme s'ils vivaient dans la pureté de leur citadelle. Formalisée dans les années 40 par Robert Merton, cette conception idéalisée d'une cité scientifique autonome ne résiste pas à la réalité. Bon, conception idéalisée peut-être, mais cette conception c'est quand même la nôtre, celle du contrôle par les pairs. Et si nous ne nous contrôlons pas nous-mêmes, qui le fera ? Des bureaucrates ? Des gens qui n'ont pas fait de recherche ? Des bureaux privés de certification de l'intégrité avec une certification ISO intégrité 19000 ? Ce laboratoire est labellisé intégrité 19000 ? Je ne sais pas. Mais en général, voilà, si ce n'est pas du contrôle des pairs, qu'est-ce que ça peut être ? D'où la question. Bref, la question peut être posée, hein, celle du contrôle normatif, de la façon dont il arrive, en se demandant s'il y a des risques que la régulation de l'intégrité, la mise en place formalisée de ces bonnes pratiques, dépossède les chercheurs, les chercheuses de leur autonomie. Et ça permet aussi de réfléchir à la façon dont les institutions se protègent, parfois plus qu'elles ne protègent les chercheurs. Alors vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'entendre une parole d'expert sur la fraude ou l'intégrité, il ne s'agit pas de contribuer à la réhabilitation ou l'exécution sur la place publique de quiconque. On n'est pas là pour trancher, surtout que quand il s'agit d'une discipline qui n'est pas la nôtre, je crois qu'on n'a pas de biologiste, par exemple, hein, à PDF, mais aussi pour essayer de comprendre quelques aspects structurels de ces questions et de réfléchir depuis l'intérieur du système, à la phase de mutation qui se produit et qui n'est pas théorisée avec l'aide de collègues qui en sont partie prenante. Et nous demander aussi comment ces questions peuvent se décliner différemment selon les disciplines. Et avec quelle histoire et quelle profondeur historique dans les disciplines pour ces questions d'intégrité. Et donc c'est la raison pour laquelle on accueille aujourd'hui Olivier Le Gall, qui est biologiste et chercheur à l'INRA, président de l'Office français de l'intégrité scientifique. Thibault Le Texier, qui est chercheur associé à l'Université de Nice, qui est monsieur monsieur SHS de la soirée dans les interventions, et qui va nous parler d'un cas de fraude historique en psychologie sociale il y a longtemps, et qu'il a levé en quelque sorte dans une enquête récente. Olivier Voynet, biologiste, École Polytechnique Fédérale de Zurich, que je ne présente pas, ou qui pourra se présenter, et Boris Barbour, biologiste à l'ENS, même s'il souhaite d'abord apparaître ici comme membre de PubPeer. Voilà. Et donc, Bruno ou André Oppi. Sinon, tu passes là, je parle directement. Je sais pas s'il y a des points que tu voulais. Mais le problème, c'est que je vais repasser sur tes éléments. Voilà, donc on a coordonné. Je vais essayer de prendre que 3 minutes en prenant une casquette d'expérimentateur en physique et d'enseignant de physique expérimentale, donc à ce titre, transmetteur des normes en pratique il y a 20 ans, avant les changements qu'on est en train de vivre et qui sont très profonds. En préambule, je voudrais d'abord rappeler des choses, que la fraude ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a un exemple qui n'est pas très connu, qui est que Galilée, quand il a dessiné la Lune vue à la lunette, a embelli l'image de la Lune en mettant les cratères un peu plus joli, un peu mieux positionné pour que le rendu soit bien. Et on voit bien sur cet exemple que ce dont on va parler ce soir, il n'y a pas de mort d'homme, il n'y a pas de politique publique qui contamine le sang. On parle de choses quand même qui sont d'un autre ordre que certains scandales de fraude qui sont en un sens autrement plus importants. La norme que j'enseigne de physique expérimentale, et qui est donc en phase d'être totalement bouleversée, elle passe d'abord par le fait que expérimentateur, c'est un métier difficile, c'est un métier qui s'apprend, et ça passe par l'existence de disciplines, c'est-à-dire de transmission de corpus disciplinaire, et ce nom de discipline est extrêmement important parce qu'il a deux sens, il a un sens de discipline de la règle, mais il a aussi un sens d'autodiscipline, de se plier à cet ensemble de normes communes, de sorte à pouvoir échanger avec n'importe quel autre scientifique du domaine. Et cette base qui permet la disputatio, c'est-à-dire d'établir la vérité scientifique, est importante. La deuxième... ces disciplines sont mises en crise un peu partout. L'enseignement de la physique comme discipline n'est pas une évidence aujourd'hui. Il ne se passe pas 15 jours sans qu'il y ait des changements apportés pour changer ça. La deuxième chose qui est mise en crise, c'est le fait que la vérité scientifique est, par définition, une vérité qu'on recherche comme scientifique et qui est collective et désintéressée. Le désintéressement est mis en crise parce que la valorisation des carrières, l'entrepreneuriat de soi, le fait d'avoir de l'argent pour travailler quand on est expérimentateur, c'est extrêmement important, mais en crise le désintéressement et collective, c'est mis en crise de deux manières. D'une première manière qui est que l'évaluation par les pairs, par le passé, reposait sur des journaux qui n'étaient pas privés, qui avaient des éditeurs scientifiques, et ces éditeurs qui étaient des scientifiques actifs étaient garants du choix des référés anonymes. Ça existe encore, évidemment, mais on ne peut pas ne pas remarquer que Nature et Science sont dépositaires des choix de politique scientifique mondiale, ce qui est un changement majeur à l'échelle de 20 ans. La mise en crise du caractère collectif intervient à un deuxième endroit, c'est que ce que je transmets primordialement dans l'apprentissage de la physique expérimentale, c'est qu'on travaille en équipe, et le travail en équipe passe par le fait de dire tout à ses collègues et collaborateurs, c'est-à-dire de dire comment on a fait, comment on a mis les points, quels points on a enlevés parce qu'ils n'étaient pas beaux, de sorte que tout le monde soit au courant de tout. Et ça est une garantie primordiale de la qualité scientifique, dont on voit bien qu'elle est auto-instituée, et pas du tout par un système normatif extérieur, mais par le fait que 2, 3, 4, 5 personnes sont au courant de tout. Et ça, à l'évidence, est mis en crise dans les grandes équipes à structure pyramidale. La troisième, donc ça m'amène à dire une chose encore, c'est qu'on a droit à l'erreur en science, et même il n'y aurait pas de science sans erreur, sans controverse. Et donc ça signifie qu'il y a une zone de gris, et cette zone de gris, elle est éludée dans le débat public. Et c'est embêtant parce que, quand on est praticien, on sait à peu près exactement, quand on lit un article, comment la courbe a été un peu arrangée, quels points ont été enlevés, quelle est la zone d'inconfort. Et tout ça, on le lit parce qu'on a cette pratique, mais nier l'existence de la zone de gris entre la vérité et la fraude est un problème. Alors ça m'amène à poser quelques questions qui sont mon intérêt propre au débat de ce soir. La première, c'est est-ce que la fraude, qui devient donc un problème d'actualité, est la bonne question à se poser, ou est-ce que c'est une mauvaise réponse à l'ensemble des choses que j'ai pointées, en particulier la crise des journaux scientifiques, la crise de reviewing, la pyramidalisation des équipes de recherche, et ainsi de suite. Deuxièmement, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'un changement de normes aussi important que ce qu'on est en train de vivre se produit, et en particulier, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a tout un tas d'acteurs qui ne sont pas des scientifiques actifs, qui sont mêlés à la chose ces temps-ci, et ça viole le principe premier que j'ai énoncé, que l'évaluation c'est par les pairs, point. Et donc ces gens qui interviennent, eh bien, il y a des journalistes, il y en a ici, que je salue au passage, qui interviennent dans les choses, des gens anonymes, des anciens chercheurs devenus blogueurs, et ainsi de suite. Et le fait que la crise arrive en ayant tout un tas de monde qui n'a a priori rien à dire dans le processus d'élaboration de la vérité scientifique qui soit impliqué, m'intéresse de discuter. En particulier, eh bien, je finis là-dessus, les changements de protocole, la fin momentanée des affaires de fraude et l'établissement de nouvelles procédures de détection de fraude qui sont entièrement sous un pilotage de gens qui sont nommés par des directions d'institutions qui sont elles-mêmes nommées, c'est-à-dire qu'il y avait des solutions tout à fait évidentes de passer par les sections du CNRS pour traiter ces questions-là, ou à l'université on avait par le passé des comités scientifiques qui étaient en charge des recrutements et qui étaient tout à fait bienvenus pour discuter de la vérité scientifique entre les pairs, et c'est pas ça qui se profile, et ça est une question intéressante de est-ce qu'on ne savait pas déjà depuis 2015 l'aboutissement du processus qui était une nouvelle couche de dépossession des chercheurs actifs de leur prérogative première qui est l'établissement de la vérité scientifique. Voilà, je laisse la parole sur ces questions. Merci. Juste un petit point avant, j'enregistre pour le site PDS. Je suis un peu en retard, j'avais enregistré les précédentes séances, je ne les ai pas encore déchargées, mais je le ferai bientôt. Donc s'il y a des choses qui doivent rester entre nous ce soir, vous me le dites et je mets sur pause. Et après je rallume. Ça resterait entre nous. Mais j'imagine qu'on va pouvoir parler. L'entre nous en présence de journalistes est très très relatif. Donc je pense qu'on peut faire une exception. Il fallait que je le dise.